Moi je m'appelle Lolita, Lo ou bien Lola, tu parais au même. Moi je m'appelle Lolita, quand je rêve au loup, c'est Lola qui s'aime. Qu'on fourche ma langue, j'ai l'air un fou rire aussi, faut qu'un phénomène. Je m'appelle Lolita, l'eau de vie, le haut, ça m'en diluvienne. C'est pas ma faute. Et quand je donne ma langue au chat, je vois les autres tout prêts à se jeter sur moi. C'est pas ma faute à moi si j'entends tout autour de moi. Hello, Lolita, moi Lolita. Moi je m'appelle Lolita, collégienne au bas, plus de méthylène. Moi je m'appelle Lolita, coulée rusée pas, nicotine mylène. Tu sais où j'quine, Lolita. J'entends tout autour de moi, Lolita, moi Lolita.